lune monte et nuit, il fait grand jour en plein minuit. Viens avec moi, me disait-elle. Viens sur le sable grisillant. Viens sur le sable grisillant. Où sont tes brillants frétillants? Où sont tes brillants frétillants? La tarentelle. Où sont tes brillants frétillants? La tarentelle. Dans ce renvoi si deux, foule sous l'eau, foule dans deux. L'homme est fait, la fille est belle. Mais car à vous sans y penser, c'est le jeu d'amour que de lancer. La tarentelle, l'antenne, mais car à vous, mais car à vous sans y penser. Toute la nuit joyeusement, toute la nuit joyeusement, nous dansons.